Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Nous sommes le lundi 22 mars 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gemozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple. Chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Johan Pienoël, artiste, qui est venu nous parler tout simplement de ce qu'il fait. Bonjour Johan. Ben bonjour Chris. Comment ça va? Eh ben écoute, comme à lundi, n'est-ce okay. pas? Nickel. Donc tout d'abord, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Je pose toujours cette première question à mes invités afin qu'ils et elles puissent déjà les connaître un petit peu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, oui, très simplement. Donc Johan Pienoël, 25 ans, Saulx-sur-Rhon, travaillant pour la plus grande boîte de France. Hélas, Covid oblige, mais voilà, j'ai la chance d'avoir une passion extraordinaire qui est la musique. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, et tant mieux. C'est ça. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Ouais. Non, on va pas parler de la plus grande entreprise du monde, c'est... Non. Voilà. Et donc, comme je le disais en introduction, tu es entre autres artiste, musicien plus précisément, et tu as même sorti un EP du coup le 10 septembre dernier. C'est ça. Donc ça fait un peu plus de 6 mois, c'est tout récent, intitulé Under an Arctic Sky, mon accent anglais est toujours présent. Il n'y a pas de souci. Que l'on pourrait traduire pour nos auditeurs par Sous un ciel arctique. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ton premier EP? À proprement parler, oui. Alors après, j'ai déjà sorti quelques bricoles avant. Bon, après, ça a été toujours un petit peu crescendo au fur et à mesure que je découvrais mon logiciel d'enregistrement. Donc au début c'était très rudimentaire et un petit peu crado, on va dire. Donc au fil du temps, j'avais déjà une page SoundCloud sur laquelle je présentais un petit peu mes projets. Et puis on va dire que sur Bandcamp et puis Under an Arctic Sky, du coup c'était vraiment le premier EP à proprement parler. Donc avec 10 morceaux que j'avais essayé de retravailler et que je retravaille encore d'ailleurs. Donc je pense qu'il sera obsolète d'ici quelques temps, mais bon. Donc oui, c'est le premier concrètement, voilà. Ok. Et du coup, tu travailles sur quel logiciel? Alors au début, je travaillais sur GarageBand, donc sur Mac, tout simplement. Et j'ai découvert bêtement que GarageBand était en fin de compte une version d'essai de Logic Pro, donc Logic Pro X, toujours un logiciel Apple. Donc pour le coup, maintenant, je retravaille sur Logic Pro X, donc beaucoup plus élaboré pour le mix et le mastering des morceaux. Donc voilà, c'est un petit peu un nouveau départ, pas un nouveau départ, mais c'est-à-dire reprendre tout à zéro, et c'est un petit peu pénible, mais il y a beaucoup plus de possibilités, donc c'est cool, quoi. On découvre au fur et à mesure, quoi. Ok. Donc comme tu l'as dit, cette EP compte 10 morceaux. Peut-être qu'on peut citer les titres. Dans l'ordre, je peux presque les faire de mémoire, je crois. Sinon, je les ai décrits sur mon écran, donc comme tu veux. Allez, vas-y. Donc, le premier morceau s'intitule Under an Arctic Sky. Du coup. Donc, c'est le nom de l'EP. Puis, nous avons Running After a Ghost. Oui. Puis, The Midnight Sun. Puis, And the Day Has Risen. Puis, Not a Way to Say Goodbye. Ensuite, When Seasons Changes. Puis, Far Away. Suivi de Beyond the Mountains. Puis, de About the North. Et enfin, le dixième et dernier morceau, on a Black Sand, que nous écouterons d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission. C'est d'ailleurs le deuxième morceau le plus long de cette EP. C'est ça. Il dure près de 8 minutes. C'est ça. Et le premier morceau le plus long, c'est When Seasons Changes. Désolé, Chris. C'est pas grave. Ok. Mais d'ailleurs, pourquoi avoir donné des titres anglais à tes morceaux? Bah, c'est une excellente question. Alors je pense que c'est un petit peu au feeling. Disons que les morceaux sont tous instrumentaux, donc il n'y a pas de texte du tout, pas de paroles, pas de mélodie à chanter. Donc c'est vrai que tous les morceaux, toute la musique tourne autour d'une mélodie instrumentale. Et du coup, au feeling, je voulais résumer un petit peu ce que je ressentais dans ce que je composais bêtement par un... Je trouvais que les mots en anglais percutaient peut-être plus qu'en français. J'aurais peut-être pu appeler un morceau tractopelle ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que dans l'univers dans lequel je voulais tourner, entre guillemets, pour signifier un petit peu... l'émotion et l'univers dans lequel j'étais avec ces morceaux-là, c'est vrai que j'ai pris ce qui me passait par la tête en anglais, quoi. Je suis un grand poète, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. C'est beau. Tractopel en anglais, tractopel. Tractopel, you know. Donc, exclamatrice. Du coup, la particularité ou une des particularités de tes musiques, de cette EP, c'est qu'il n'y a, comme tu l'as dit, pas de paroles, que ce sont des morceaux musicaux, des instrumentales ou instrumentaux, bref, comme on pourrait dire en musique, regroupant plusieurs instruments. C'est ça. Et donc pour cette EP, Under an Arctic Sky, je réussis du premier coup là. Et pour tes morceaux en général, est-ce que c'est toi qui fais tout de A à Z ou est-ce que tu es aidé par, je sais pas, un label, un studio, voire même une maison de disques? Alors pour le coup, non. Non, j'ai absolument rien derrière moi. Tout est fait de A à Z par mes petites mains. Ça part bêtement d'un riff, d'une idée, une trame. Ça peut être un truc que tu vas chantonner sous la douche, hein, que tu vas enregistrer dans ton enregistreur vocal, et puis tu vas essayer de le refaire à la gratte derrière. Et puis derrière, tu brodes un petit peu à la basse, à la batterie, des bricoles comme ça. Alors, fait tout seul, oui, de A à Z, oui. C'est vrai qu'il y a certains instruments, notamment le piano ou le violon, des choses comme ça, donc qui sont faits par clavier numérique, hein, donc simplement avec le clavier des touches, quoi, tout bêtement. Mais ça n'enlève pas le fait que les notes sortent de ma tête et sont assemblées en fonction du riff que j'avais imaginé à la base, quoi. Donc c'est ça qui est très très long dans le procédé. C'est-à-dire que je suis pas un virtuose du piano, par exemple, donc je peux pas broder une mélodie au piano comme ça. Donc je pars d'une note et puis une autre et puis je les empile les unes sur les autres jusqu'à temps que ça fasse un petit peu ce que je voulais que ça fasse, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très très long, mais c'est un petit peu la fierté que j'ai, c'est que néanmoins tout est fait maison, c'est du local, quoi, voilà. Okay. donc voilà, mais il y a personne derrière, il y a pas de label, il y a personne. Oui, okay, t'es totalement indépendant. Complètement. Mais du coup, t'as mis combien de temps pour réaliser cette EP de 10 morceaux? Alors ça, c'est une excellente question. Merci. on va dire que je crois que sur l'EP, le morceau le plus ancien doit être About the North, qui date de 2017 en fait. Donc la première trame que j'ai enregistrée, ouais, elle date de 2017. Et on va dire que pour enregistrer le tout, c'est assez compliqué à dire, parce que rien que le dernier, par exemple, Black Sand, donc qui est le tout dernier que j'ai enregistré pendant le premier confinement l'année dernière, je suis encore en train de travailler dessus aujourd'hui, donc ça va faire un an. La version qui est là aujourd'hui, c'est la toute dernière qui date de la semaine dernière, mais le morceau a peut-être été téléchargé depuis mon logiciel, je vais pas dire conneries, mais au moins une centaine de fois, donc toujours à le télécharger. Comme je te disais, tu l'écoutes sur ton casque, dans ta voiture, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, et puis en fait tu retournes sur ton logiciel, tu remodifies une ligne de basse, un petit peu le volume au niveau de la batterie, des choses comme ça, donc ça va jamais vraiment. Donc on continue de bosser, et c'est très très long. Je pense que quand j'ai sorti l'EP, à proprement parler, au mois de septembre, pour les 10 morceaux, je pense que je devais être aux alentours de entre 50 et 70 heures par morceau de travail. Mais c'est donc étalé sur 3 ans à peu près, donc c'est très très long. Tout seul, c'est très très long, très pénible, et puis avec un matériel assez rudimentaire. Donc voilà, mais c'est cool. Voilà. Okay. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu es un artiste multi-instrumentiste ? Complètement. Alors, de base, moi, au tout début, quand j'ai commencé à enregistrer ces morceaux-là, la batterie. Alors, moi, je suis guitariste de base. Hein, je suis guitariste. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, guitariste. Et donc, oui, je voulais rebondir sur la batterie. Au tout début, quand je commençais à enregistrer ces maquettes-là, si tu veux, je faisais également la batterie et la basse. Donc, batterie, guitare, basse. Donc, moi-même, avec les instruments en question. Hein, donc, guitare branchée sur une interface sur l'ordinateur, la basse, pareil. Et j'avais une batterie électronique, hein, donc comme une batterie acoustique, mais un peu bizarre, quoi, on va dire. Mm-hmm. Donc voilà. Donc ouais, moi je me considère quand même malgré tout multi-instrumentiste. Après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour le piano, des choses comme ça, c'est un peu plus différent, mais malgré tout, les mélodies sont là dans la tête. Donc oui, je pense que Ouais, multi-instrumentiste, ça vaut le coup quand même, quoi. Voilà. Ok. Donc, du coup, c'est une transition parfaite, puisque je te propose de faire découvrir à nos auditeurs et auditrices un aperçu de ton travail en écoutant, comme annoncé un peu plus tôt, ton morceau Black Sand, que l'on pourrait traduire en français par Sable Noir. C'est ça. Donc, est-ce que ça te va qu'on écoute ça ? Allez, avec plaisir. Vas-y. Alors, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici à peu près 8 minutes, mais vous verrez, ça vaut le coup. À l'année prochaine. Ouais, voilà. À tout de suite. êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Il est actuellement 14h19. Vous venez d'écouter Johan Pianoël avec son morceau musical intitulé Black Sand, tiré de son premier EP Under an Arctic Sky. Absolument. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie, justement, de Johan Pianoël. Ça va toujours ? Eh ben, toujours. Nickel. Toujours. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai pu lire que tu essayes, à travers tes différents morceaux, les notes, à travers aussi les notes et les accords, d'exprimer différents sentiments et émotions. C'est ça. Donc, quels étaient les sentiments et les émotions que tu voulais transmettre à travers ce morceau Black Sand ? Bah, pour le coup, Black Sand, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est donc un morceau que j'ai enregistré, que j'ai imaginé enregistrer pendant le premier confinement. Donc, on va dire que le premier confinement a été une période un peu délicate pour tout le monde, de toute façon. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de mélancolie, quelque chose d'un petit peu bizarre et d'inédit, hein. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On se réfugie un petit peu dans certains souvenirs et puis dans un certain réconfort. Donc moi, je pense que Black Sand tourne beaucoup autour de... Enfin, c'est pas je pense, c'est que il me rappelle beaucoup un voyage que j'ai fait en Islande, où toute la côte sud est longée par des immenses plages de sable noir, en fait. D'accord. Donc, je pense que je me suis beaucoup remémoré ces moments-là sur les plages de sable noir sur toute la côte sud de l'Islande, où t'avais un petit peu la sensation que le temps s'arrêtait, quoi, quelque part. Donc le temps était figé, donc quelque part ce que tu étais sur le moment, tu l'étais, et voilà, donc t'étais imprégné de plein de choses positives, et puis en même temps c'est quelque chose, je crois qu'un voyage en Islande c'est quelque chose d'assez qui déboussole complètement. Mm-hmm. Donc de revenir un petit peu à cet état d'esprit pendant le premier confinement, se rappeler un petit peu de choses plus légère, on va dire, positive, voilà. Donc je pense que c'était à travers cette musique-là, je pense que voilà, j'étais simplement perdu dans mes souvenirs en imaginant une espèce de musicalité à mettre autour de tout ça, en fait. Et donc voilà, c'est parti sur du 100 battements par minute, hein, bêtement, et puis un petit freestyle au piano, et puis derrière tu balances ton riff de gratte, mais toujours dans l'état d'esprit de ce que ça représentait pour moi, et voilà, surtout ce sentiment de réconfort, mais un petit peu enrobé dans de la mélancolie quand même, quoi, quelque chose d'un peu bizarre, quoi, mais voilà. Je pense que c'est un peu résumé bizarrement, mais c'est un peu l'idée quand même, quoi. D'accord. Parce que d'ailleurs tu me disais pendant cette pause musicale, donc hors antenne, que tout cet EP se tourne beaucoup donc autour de l'Islande, tout ça. Oui. Donc, si tu peux nous en dire plus. Bêtement, je crois que, comme je te disais tout à l'heure, ça défonce la tête, quoi. Je crois le de partir en Islande, c'est une terre complètement désolée. Je veux dire, t'as Reykjavik et c'est tout, quoi. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça quand même. Donc, si tu veux, quand t'es même ici, quand t'es dans la brousse vosgienne, hein, je veux dire, malgré tout, c'est un dépaysement total de se retrouver là-haut. C'est pas un pays qui est si loin que ça de nous, hein, mais déjà ce côté insulaire et puis le fait d'arriver vraiment au milieu de champs désolés, de champs de lave, des plages de sable noir comme je te disais tout à l'heure, et puis en même temps t'as les glaciers d'un côté, t'as certains, comme là récemment, les volcans qui rentrent en éruption, donc c'est un énorme délire, ce pays, et je crois qu'en fait tu atterris là-bas, tu poses le pied, enfin tu atterris ou tu amerris, hein, si ça dépend le voyage par lequel tu t'y rends, évidemment. Mais dans tous les cas, que tu atterrisses ou que tu amérisses, que ce soit à l'est ou à l'ouest, en fait, t'es là, tu descends et tu te dis, mais où suis-je, quoi? Et à ce moment-là, tu te dis, mais je suis... qui suis-je, presque, en fait? C'est un peu... Je sais pas, c'est ouais, j'ai même pas les mots exacts pour définir un peu cette sensation de, c'est un peu philosophique, quoi, mais c'est vrai que tu te sens un peu réduit à néant, et du coup je pense que ouais, tout l'EP, du moins une grande partie, tourne autour de ça. Il y a eu deux voyages en Islande pour ma part, donc un par avion, un par la mer, hein, donc mm-hmm. deux approches différentes qui font que tu as deux bouleversements complètement différents, mais l'état d'esprit général est toujours le même, c'est-à-dire que t'es inspirant, quoi. T'es vraiment, t'es minuscule à côté de tout ça, donc c'est inspirant. Donc tous ces morceaux, chaque morceau de l'EP définissent un souvenir qui peut être là-haut, qui peut être même ailleurs en Écosse ou des choses comme ça, ou certains pays comme la Norvège. Je rêve de visiter la Norvège, que j'ai pas encore visité, mais voilà, que ce soit des rêves ou des choses que tu as vues, des souvenirs. Mais je pense que chaque morceau a un petit peu son histoire autour d'un état d'esprit, de quelque chose que j'ai ressenti, quoi, à travers ce que j'ai vu, à travers des rêves. Et mais voilà, l'Islande, honnêtement, moi j'ai aucun royalties pour Iceland Tourism, mais vraiment ça vaut le détour, quoi. Bon, là c'est pas le moment, mais voilà, si on veut essayer de se retrouver un petit peu, je crois que c'est le pays idéal. Et puis qui plus est, quand on a une passion comme la musique ou la photo ou la peinture ou que sais-je, mais vraiment ça remet tout en question comme pays. Et je crois qu'au travers de ma musique, malgré le fait qu'il n'y ait pas de texte, c'est ce que j'ai voulu peut-être essayer de retranscrire aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Okay. En gros. Donc dans ton EP, donc on retrouve des morceaux regroupant de l'alternatif, du hard rock, du heavy metal et du heavy rock. Donc comment t'es venue cette envie de pratiquer ces différents styles de musique là? Ah, alors ça, Bêtement, je jouais à GTA San Andreas quand j'étais relativement petit, hein, 2004, donc j'avais 9 ans. Et j'avais 8 ans même, pardon. Et il y avait une radio qui était formidable dans GTA San Andreas, c'était Radio X, pour ceux okay. qui connaissent. Et puis, dans cette radio, il y avait un morceau extraordinaire qui était Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Mmh. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai posé ma manette, j'ai été voir mon père, je lui ai dit: papa, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et voilà, les Guns, quoi. Après, ça a été la révélation, hein, les Guns, Slash, et puis donc cette envie de faire de la guitare, de jouer le parrain avec un énorme chapeau sur la tête comme Slash le faisait, il le fait toujours d'ailleurs. Donc ouais, je crois que c'est parti bêtement d'un jeu vidéo, et puis de toute façon d'une culture familiale qui est très très axée sur le rock, hein, de manière générale, que ce soit le rock français, le hard rock, le heavy metal un peu moins, hein, le heavy metal c'est plus moi, mais voilà, tout ce qui est Scorpion, AC/DC, mm-hmm. des grandes machines de guerre de l'industrie du metal. Et voilà, c'est parti de ça, et le côté guitare, l'instrument est parti de ça aussi. Il y a eu la découverte de la musique, et quelques années après, il y a eu l'envie de vouloir en jouer, quoi. Donc voilà, la famille et puis un jeu vidéo, quoi, notamment. Ok. Donc justement, parmi tous ces styles de musique que nous venons de citer, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu préfères pratiquer ou duquel tu as le plus de facilité à pratiquer ? Bah, je crois que moi, je suis très classique. J'adore le hard rock. J'adore le hard rock. Après, il y a beaucoup de stéréotypes autour du métal. C'est vrai que quand on entend parler du métal, pour les gens qui s'y intéressent peut-être pas forcément ou qui n'auraient pas tendance à écouter ça en particulier, on pense que le métal, c'est se déguiser de longues robes noires et puis de sacrifier une brebis au clair de lune. Donc, ça englobe beaucoup plus de choses que ça, le métal. Donc, je dirais que tous les styles, voilà, à partir du moment où il y a de la grade, qu'il y a de l'émotion, qu'il y a même sans grade, mais bon, dans le métal, il y a toujours de la grade de toute façon. Mais à partir du moment où il y a un feeling, une émotion, moi je kiffe. Après, moi personnellement, c'est vrai que je suis plus axé sur le hard rock, quoi. Vraiment quelque chose d'assez soft, efficace. Mais j'aime bien un petit peu de toutes sortes de choses, donc j'aime bien mettre des petites touches de ci et de ça, quoi. Un peu de sel, un peu de poivre, bim bam, quoi. Et puis ça fait un espèce de heavy metal régressif, hein. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Mais pour ma part, ouais, je dirais plutôt hard rock, très simple, quoi. Bim. Ok. Voilà. Donc également, tu dis que ces morceaux de ton EP sont là pour rendre un certain hommage aux personnes qui ont croisé ta vie et ton chemin, ouais. Et également pour rendre un certain hommage à tes différents voyages, donc en Islande notamment, bien et sûr. Pour célébrer la joie de voyager. Donc comment expliques-tu cela en d'autres termes? Que fais-tu dans tes morceaux pour célébrer, pour rendre hommage à tout ça? Bah, un petit peu pour le même principe que pour le voyage. Je pense que dans la vie, c'est encore le grand philosophe Johan qui va parler, MDR. Mais dans la vie, on a tous des moments de haut, des moments de bas. Peu importe notre contexte social, familial, peu importe qui on est, notre âge, notre genre, on vit tous des moments, de bons moments, des moments excellents, des moments beaucoup moins bien. Et je pense que tout ça, c'est très inspirant. Voilà, sans les citer, voilà, toutes ces personnes, ça peut être de la famille, des amis, peu importe, mais il y a des gens qui marquent ta vie, qui marquent encore aujourd'hui et qui peuvent faire partie d'une partie de ta vie et avec qui, voilà, tu as des souvenirs et donc tu veux célébrer ça en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est pas quand tu arrives devant ton ordinateur avec ta grade pour enregistrer ton morceau, machin. C'est pas se dire il faut absolument faire un morceau. En fait, c'est pas je cherche à me rappeler d'un truc et tic tac, il faut bim que ça sorte. Non, il faut laisser les émotions, les souvenirs, comme je te disais tout à l'heure, faire le boulot en quelque sorte. Et puis après, c'est les doigts, c'est les mains, c'est machin, c'est bidule. Mais voilà, donc c'est un peu une célébration de la vie entre guillemets. C'est un peu kitsch dit comme ça, mais c'est vrai que je pense que la musique c'est ce qu'il y a de mieux en fait, quoi. Donc voilà, tout simplement. Ok. Pour un petit peu compléter une de mes questions précédentes, comment cette passion pour la musique en général est-elle arrivée dans ta vie ? En d'autres termes, la musique a-t-elle toujours fait partie de ta vie ? Et est-ce que c'est justement grâce à ce jeu vidéo, donc GTA San Andreas, que cette passion pour la musique t'est venue ou est-ce que tu l'avais bien avant ça ? Non, je suis né... Je suis né avec la musique, de toute façon. Bah, comme je te disais, que ce soit au travers de mes parents. Mais bon, j'ai pas toujours été un métalleux. Hein, je veux dire, j'ai écouté Alizé et les L5 quand j'étais petit, quoi. Hein, donc voilà, représente d'ailleurs. Qui ne l'a pas fait. Évidemment. Mais j'ai toujours baigné là-dedans, de toute façon. Et puis... vraiment, nous, dans la famille, que ce soit la musique ou le cinéma, on est un grand fan de ces univers-là. Et la musique va de pair avec le cinéma, de toute façon. Bien sûr. Et vice-versa. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Et je pense que j'ai récupéré ça aussi de mes parents. Enfin, c'est dans le sang, je pense aussi. On aime tous la musique. Il faut vivre. Il faut de la musique pour vivre. De toute façon, on le voit aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de culture. Tout est à l'arrêt. On se fait chier comme des rats morts, faut dire les choses. Ouais. Donc, on a besoin de ça. C'est essentiel. Mais je pense que... on peut l'apprécier de manière différente, on peut l'écouter, on peut l'interpréter, on peut la jouer. Et je pense que j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'avoir ça dans, quelque part, entre guillemets, dans le sang. Donc ouais, ça a toujours été là. En passant des L5 à Iron Maiden ou des choses comme ça. Hein. Donc voilà, c'est un aller simple vers le futur. Hein. Oui. Voilà. Ok. Bien sûr, depuis plus d'un an maintenant, nous connaissons toutes et tous une crise sanitaire dont nous ne citerons pas le nom, on en entend assez parler, je pense. Donc, est-ce que cette crise sanitaire, justement, ainsi que les différents confinements qu'elle a engendrés, bah, tu as un petit peu répondu d'ailleurs, est-ce qu'ils t'ont été bénéfiques à toi en tant qu'artiste ou à toi en tant qu'humain ? Est-ce qu'ils ont été bénéfiques pour ta musique et ta créativité ? Pour la musique, oui. Concrètement, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'était un moment bouleversant. Donc forcément, ça remet beaucoup de choses en question. Hein. Je pense que tout est remis un petit peu à plat. Et à ce moment-là, c'est un peu linéaire dans la tête. Hein. Donc du coup, tu essayes de reconstruire un petit peu d'autres choses avec une page blanche, entre guillemets. Donc je pense que oui, c'est un peu à double tranchant parce que aussi bien, ça peut éveiller de l'émotion, donc quelque chose d'assez sinistre. Hein. Tu peux très bien dire, allez, je fais un morceau déprimant à souhait. Comme ça peut très bien aussi t'inspirer quelque chose de, tu vois, les jours meilleurs. Imagine les jours meilleurs, donc quelque chose d'un peu plus frais. Donc ouais, je pense que dans un sens, après voilà, moi je suis à mon petit niveau, mais d'un point de vue personnel, ouais, c'est clair que... Quelque part, c'est inspirant. Donc, aussi bien pour le positif que le négatif, toujours dans la musique, évidemment. Donc tu peux vraiment partir sur quelque chose de tristoun comme de super joyeux. Mais dans tous les cas, ouais, ça a été inspirant. Et ça l'est toujours. Il y a toujours des riffs qui te traversent la tête. Mais ça peut être du tout ou rien. Quoi. Donc voilà. Ok. Donc il est 14h33, donc avant de poursuivre et d'aller plus loin, je te propose de nous lancer dans une toute nouvelle fréquence, dans un deuxième son que tu as choisi, et que nous écoutions une musique d'un tout autre style, chanson datant de 1978, interprétée par Hubert Félix Thiéphaine, et intitulée « Je t'en remets au vent », et tirée de son premier album, intitulé « Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir », sorti cette même année 1978. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute cette chanson un petit peu plus calme, on va dire ? Absolument. Ah parfait. Oui, absolument. Alors on écoute Hubert Félix Thiéphaine, je vais y arriver, et on se retrouve juste après. Mmh. D'avoir voulu vivre avec moi. T'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant toi tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets. Au vent, toi tu essayais de comprendre ce que mes chansons voulaient dire. Agenouillée dans l'existence, tu m'encourageais à écrire. Mais moi je reste hermétique, indifférent à tes envies, à mettre sa vie en musique. On en oublie parfois de vivre. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Tout est de ma faute en ce jour, et je reconnais mes erreurs, indifférent à tant d'amour. J'accuse mes imbuvables humeurs, mais toi ne te retourne pas. Va droit sur ton nouveau chemin, je n'ai jamais aimé que moi, et je reste sans lendemain. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous venez d'écouter donc Hubert Félix Thiéphaine avec son titre Je t'en remets au vent. Vous êtes toujours dans Fréquence Libre. Nous sommes toujours en direct sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h36 et nous espérons vous redonner un petit peu de lumière sous cette journée bien grise, en tout cas dans le Grand Est. Donc, comme le disait Hubert Félix Thiéphaine et Je t'en remets au vent, nous sommes toujours en compagnie de Johan Pied-Noël, artiste et musicien. Donc, ça va toujours ? Ah, bah, toujours, absolument. Donc, nos auditeurs, normalement, je devrais dire les femmes en premier, nos auditrices et alors, nos auditeurs. Tu vas avoir des problèmes. Ils sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question à mes invités. Pourquoi avoir choisi cette chanson qui, il faut le dire, est d'un tout autre style que ta musique Black Sand et qui est également d'un tout autre style que la prochaine fréquence que nous écouterons un petit peu plus tard. Donc pourquoi cette chanson de Hubert Félix Thiéphaine ? Parce que j'adore Hubert Félix Thiéphaine depuis bien des années maintenant. C'est un immense poète, hein, un immense pionnier de la chanson française, qui est là depuis maintenant plusieurs décennies. Puis je trouve que au niveau du texte, il y a difficilement mieux sur la scène française. Alors il y a toujours des grandes personnes, mais lui il est extraordinaire. Je trouve que il a un univers qui est complètement à lui. Et puis voilà quoi, ça permet de s'envoler un petit peu. Puis celle-là pour le coup c'est une chanson que j'écoute un petit peu en ce moment. Bon, je pense que c'est aussi la fin de l'hiver, donc il y a ce côté un peu, cette tristesse un petit peu ambiante qui fait que on sort tout doucement de l'hiver, donc forcément, forcément voilà. Quand j'ai voulu choisir un morceau d'Hubert Félix Thiéphaine, j'ai hésité avec d'autres, hein, mais celui-là, je trouvais qu'au niveau du texte, il est assez excellent, quoi. Donc voilà. Ok. Donc on va revenir un petit peu sur ton EP, donc Under an Arctic Sky. Yeah. Donc concernant ces 10 morceaux donc présents dans ton EP, est-ce que ce sont les morceaux dont tu es le plus fier entre guillemets parmi tous ceux que tu as pu réaliser? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Eh ben ouais, le plus fier, pardon pour le souffle. Le plus fier, oui en quelque sorte. Bah disons que c'était pas évident de choisir. Moi j'ai une quarantaine, je crois 42 ou 43 morceaux d'enregistrés, hein, en tout et pour tout. Et puis quand j'ai voulu publier une petite trame de tout ça, faire l'EP, il fallait que je me décide sur les peut-être les 10 qui avaient ma préférence, quoi, du moins. Or, il y en a quelques-uns que j'ai laissés sur la touche que je considérais comme excellents. Enfin, je veux pas paraître chauvin, il faut être aussi content de ce qu'on fait, être fier de ce qu'on fait. Donc, il y en a certains que j'ai pas publiés. Je pense que c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait vraiment encore d'autres styles un peu. Il y avait certains morceaux qui étaient assez funky, par exemple, il y avait du funk un peu, ça groovait un peu bien comme il faut. Après, voilà, l'idée c'était de faire quelque chose d'assez concis. 10 morceaux, c'est déjà pas mal, surtout quand on sait qu'il y en a un qui fait presque 10 minutes, mm-hmm. l'autre qui fait presque 8. Donc, moi, je voulais pas non plus brusquer trop les gens. Hein. Je voulais quand même que ça incite à l'écoute, quoi. Donc, je voulais pas trop en mettre d'un coup. Mais j'espère au fur et à mesure, peut-être en refaire d'autres, aller plus loin. C'est quand même le but, hein, de partager sa musique. Et j'espère que ceux qui sont restés sur la touche, j'aurai l'occasion de les présenter aussi, ouais. Bien sûr, dans un futur EP, voire même un album. Bah pourquoi pas. Alors ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours l'ambition de pouvoir un jour. Bah déjà peut-être mettre du texte dessus, peut-être pas sur ces morceaux-là, parce que l'idée c'était de les faire en instrumental aussi, donc peut-être qu'il faut qu'ils restent en instrumental, après advienne que pourra, mais j'espère, oui, aller plus loin, peut-être un jour avoir du monde derrière, hein, pour aider, hein, pour mettre un peu la machine en marche, et puis voilà, mais encore une fois l'avenir nous le dira, mais bon c'est compliqué la musique aujourd'hui, surtout le rock de manière générale, hein, c'est quand même très très bouché, faut pas se leurrer, quoi, donc mais bon, pourquoi pas, en tout cas j'adore, quoi, donc je crois qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait, ben on a toutes les chances d'y croire, quoi. Pourquoi pas aussi enregistrer tes futures chansons dans un vrai studio d'enregistrement? Bah carrément, ce serait l'objectif, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'en ai un petit peu marre de tourner en rond à écouter un coup dans ma bagnole, un coup sur mon téléphone pour voir si ça va. Moi, j'aimerais bien avoir un ingé son qui me dit là, ça y est, les gars, parce que l'idée serait d'avoir un groupe aussi quand même. Enfin, je me vois mal avec ma grosse caisse dans le dos et puis mes cymbales au pied et ma guitare dans les mains sur scène, enfin tu vois, quoi. Donc, donc ouais, mais pourquoi pas, ouais. Studio, un groupe, ça ce serait le rêve, quoi. Je connais un studio, on pourra en parler après hors antenne. Absolument. Voilà. Donc d'ailleurs, si nos auditrices et nos auditeurs veulent écouter ton EP après l'émission, hein, bien sûr, ils peuvent le trouver sur ton Bandcamp. C'est ça. Donc je vais donner l'adresse, je la mettrai aussi en podcast de cette émission. Donc c'est unpnol.bandcamp.com/album/under-6-arctic-6-sky. Voilà, ils peuvent également acheter l'album numérique au prix de 3€. Voilà, c'est ouais. Album disponible en format MP3, en format Free Lossless Audio Codec ou FLAC, FLAC, c'est mieux, et plus même d'autres formats s'ils veulent. Et ils peuvent même donner davantage que 3€ pour t'en faire cadeau, pour te soutenir s'ils le veulent. Donc, mais est-ce qu'ils peuvent trouver cette EP sur d'autres plateformes que le Bandcamp? Alors, pour le moment, non. Comme je te disais aussi, je crois que je l'ai beaucoup dit, comme je te disais tout à l'heure, mais il faudrait que je trouve un compromis. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, j'avais créé une page SoundCloud auparavant, hein, mais qui est fermée, hein, depuis, puisque je voulais faire quelque chose de plus épuré sur Bandcamp. Maintenant, l'objectif à court terme, au moins pour 2021, ce serait de les retravailler, parce que cette EP, là, on est vraiment sur de la maquette à proprement parler, c'est vraiment. Moi, j'en suis content. J'en étais extrêmement content quand il est sorti en septembre, mais je voudrais les retravailler comme Black Sen, on l'a entendu tout à l'heure. C'est pas parfait, mais c'est retravaillé par rapport à la version de septembre. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Et puis, l'idée, c'est avant la fin de l'année, peut-être publier au moins ces 10-là, peut-être un peu plus sur les plateformes de streaming musical comme Deezer, Spotify, peut-être Apple Music, vu que je suis sur Apple, ou va savoir. Mais l'idée, c'est de les distribuer quand même sur des plateformes un peu plus communes, on va dire, hein, qui sont peut-être plus accessibles. Et plus connues aussi. Et plus connues, voilà. Bandcamp, ce qui était bien avec Bandcamp, c'était ce financement participatif, le fait que, voilà, je trouvais qu'il y avait un réel soutien pour les artistes indépendants et sans label derrière aussi. Et puis en publiant ces morceaux sur cette plateforme là, on a, alors moi j'ai comme je te disais tout à l'heure MDR, j'ai pas de label, j'ai rien de tout ça, mais ils te créent un label indépendant, donc numérique, donc c'est-à-dire que tes morceaux sont quand même protégés et t'as quand même tes droits d'auteur, des choses comme ça dessus. Donc c'était pour ça que j'avais choisi Bandcamp, tout en sachant que c'était pas la référence non plus. Donc l'idée, c'est d'aller au moins sur Spotify d'ici la fin de l'année, quoi, avec des morceaux retravaillés. Ok, bah tu m'as grugé sur ma prochaine question, mais c'est pas grave. Ah. Non, justement, je vais te demander pourquoi avoir choisi la plateforme Bandcamp, mais tu viens de le dire. Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, on va passer à l'autre question. Donc, celle-là aussi, tu en as un petit peu parlé, décidément. J'allais te demander, on n'en a pas encore parlé, mais pourtant si. Mais pourquoi avoir pris la décision d'intituler ton EP Under an Arctic Sky, mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, avec l'Islande, tout ça. Ouais. Voilà, donc ça, on passe. Bah, voilà. Mais c'est bien comme question, c'est du coup un condensé des 10 morceaux. Et d'ailleurs, la fiche, enfin, la jaquette, donc c'est un fou de bassin, hein, l'oiseau, hein, c'est un fou de bassin, et on parlait tout à l'heure du côté A à Z, donc c'est une photo que j'ai prise. Voilà, c'est pas une photo qui est tirée d'internet, donc Under an Arctic Sky, vraiment, pour résumer tout cet état d'esprit un peu scandinave, nordique, voilà, et puis le fou de bassin, donc l'oiseau qu'on retrouve dans l'Atlantique Nord notamment, photo que j'ai prise sur le bateau pour aller en Islande, donc toute une symbolique autour de tout ça, donc c'était une excellente question quand même. Ok, voilà. D'accord. Donc du coup, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure également, aimerais-tu qu'un jour la musique devienne ton métier et que tu puisses en vivre, ou souhaites-tu que ça reste à jamais une passion sans forcément en faire ton métier? Ben non, c'est encore une excellente question. Merci. Parce que je pense que bon, rentrer un peu dans ce système, cette industrie, de toute façon, ça reste un rêve de toute façon, mais un rêve à prendre avec des pincettes, parce que il y a la passion pour laquelle on peut en vivre, et puis il y a l'industrie qui te tient par voilà. Mm-hmm. et c'est plus la même. Donc en vivre, oui. Mais si demain j'ai mon groupe que je peux taper des salles de 500, 600, 1000 personnes, moi ça me va très bien, quoi. Voilà, moi je rêve pas du Stade de France, bon, le Stade de France, voilà. Mm-hmm. Mais je veux dire, avec mon propre groupe ou des choses comme ça, j'ai pas envie d'être dans une industrie où tu dois rendre des comptes. J'ai toujours envie de ce côté indépendant. Et demain, si tourner dans des salles comme la Souris Verte, l'autre canal, quelque chose d'assez intimiste est possible, et que oui, ça permette d'en vivre, hein, il faut le dire, ouais, carrément, ce serait le compromis parfait, quoi. Ok, bah la Souris Verte, les membres de la Souris Verte qu'on salue, car on les connaît plutôt bien ici à Radio Guimauzo, Daniel, tout ça. Donc voilà. Donc, en tant qu'indépendant, est-ce que tu as déjà eu des retours de magazines ou de médias? Est-ce que tu en as déjà contacté pour justement faire la promo de ton EP ou pas? Absolument pas, c'est même la première fois que j'en parle. J'ai eu un petit peu du mal à me vendre quand même, hein, faut dire. Donc, mais je suis là, c'est la première fois. J'ai pas eu l'occasion de le faire, non. Donc c'est bien la première fois. Et ben c'est un honneur, voilà. Bah avec plaisir. C'est ça le rock. Philippe Manœuvre. Ouais. Du coup, aimerais-tu que, par exemple, certains de tes morceaux entrent en programmation dans une radio? Bah carrément, ouais, carrément. Évidemment, si je considère qu'ils sont assez propres pour être diffusés. C'est vrai que si là on diffuse le Black Sen de l'EP, il est pas dans le même délire. Il s'écoute, le son est bon, mais on n'est pas encore dans le même délire. Il n'y a pas le mastering derrière, des choses comme ça. Mais oui, carrément, ce serait excellent, quoi. Ok, je prends note. Avant de poursuivre et de conclure, car il est déjà 14h presque 48, je te propose de nous lancer dans une troisième fréquence que tu as choisie également. Cette fois, une musique d'un tout autre style que les deux précédentes pauses musicales. Une chanson typée cette fois plutôt heavy metal, doom metal, également metal tout simple, voire avec des pointes de pop. Donc, Square Hammer, que l'on pourrait traduire en français par marteau carré, car j'aime bien traduire les mots étrangers, car je me dis que certains de nos auditeurs et certaines de nos auditrices ne parlent pas forcément d'autres langues, même si en français ça fait souvent moins beau. Là, Square Hammer, c'est quand même plus stylé que marteau carré. Oui. Donc voilà, donc du groupe suédois Ghost. C'est ça. Et donc chanson datant de 2016, tirée de l'album Popstar. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute ça? Ah, absolument, d'accord, ça c'est génial. Absolument, donc on écoute ça et on se retrouve d'ici 4 minutes pour la suite est la fin de cette émission. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Ghost avec Square Hammer. Vous êtes toujours sur Radio Gemozo, je vais y arriver, sans cet FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter le groupe Ghost avec leur titre Square Hammer. Nous sommes toujours en compagnie de Johan Pienoël, musicien multi-instrumentiste. Oh. Ça va toujours ? Excellent. Excellent. Donc même question que précédemment, pourquoi avoir choisi cette chanson ? Justement, Ghost, je crois que ces dernières années, c'est la référence de ce que je kiffe, qui rassemble le mieux l'idée de la musique que j'ai, du moins. Et puis ils ont pareil un délire hein, autour du pape émeritus qui est le frontline hein, donc en la personne de Tobias Forge. Et puis voilà, il y a toute une histoire autour de ce groupe hein, ils sont vraiment partis de rien, d'une petite page MySpace la fin des années 2008-2009. Et puis voilà, tout un univers et puis musicalement, je crois que c'est ce qui résume le mieux ma conception de la musique de manière droite aujourd'hui quoi. Du moins, enfin voilà. D'accord. J'adore Ghost. Ouais, c'est terrible. Ça fait du bien un petit peu de son comme ça, oui, rock, oui. Metal. Dans nos montagnes. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit que tu ne rêvais pas le Stade de France, mais il me semble que tu as fait en 2019 le festival Rockin' 1000. Eh ben absolument. Le 29 juin 2019, si je ne m'abuse, le Rockin' 1000, c'est un concept qui vient d'Italie, hein, qui est parti d'un délire de potes, hein, qui voulait simplement faire venir les Foo Fighters dans leur petit village de Cesena. Ragazzi, avec le poignet qui... Si. Voilà, si, tonton bene. Et voilà, donc ils ont eu l'idée, en fait, toute bête, de rassembler 1000 musicos, hein, donc batterie, guitare, basse, chant, hein, pour produire un morceau des Foo Fighters, envoyer la vidéo aux Foo Fighters et leur dire, maintenant, vous venez à Cesena. Et ça a marché, les Foo Fighters sont venus, donc Cesena, c'est un patelin comme Saulsur, hein, donc faire venir les Foo Fighters à Saulsur serait quand même un grand délire. C'est vrai. Et donc, ils ont exporté ce projet un petit peu plus loin, donc ils se sont produits au stade de Florence en Italie devant 15 000 personnes environ. Ça a pris un petit peu d'essor et puis ils ont eu l'idée en 2018 d'organiser pour 2019 donc une édition au Stade de France et pour laquelle j'ai la grande fierté d'avoir participé en tant que guitariste donc au milieu de 1038 musiciens si je ne m'abuse et puis parrainé par l'incomparable Philippe Manœuvre voilà justement. D'accord. Donc voilà, on rebondit d'une chose à l'autre et donc 55 000 personnes au stade et puis voilà un délire monstrueux. Et il y a eu l'occasion aussi en fin 2019 de se produire cette fois à Milan, à l'aéroport de Milan pour l'inauguration de la réouverture de l'aéroport de Milan. Et cette fois avec des saxophones, des tubas, un délire monumental quoi. Ok. Voilà. Nickel. Donc il va être 14h56, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé mais qui mériterait absolument d'être abordé ? C'est une excellente question. À part mon talent d'imitateur de Philippe Manœuvre, incomparable. Mais non, je dirais que je crois qu'on a fait le tour quand même. Je pense qu'on a bien résumé un petit peu l'état d'esprit de mon projet, de l'émotion qu'il y a autour, en tout cas de ce que j'essaye de retranscrire comme on l'a dit. Et puis voilà. Non, moi je suis content. C'était cool. Nickel. Ouais, c'est cool. Et puis n'hésitez pas surtout à aller écouter Under an Arctic Sky, car vraiment, je l'ai écouté en préparant mes questions, tout ça. Ça vaut vraiment le coup d'être écouté. Merci. D'ailleurs. Donc, déjà, j'ai découvert cet album. Grâce à mon frère que tu connais, Dylan. Voilà. Je te présente. Gros bisous. qui m'a fait du coup découvrir cette EP. Et c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés la première fois aussi, il me semble. C'est ça. Donc voilà, nous arrivons du coup à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Providence et réussite. Et puis non, je crois que il faut qu'on se souhaite de manière générale de sortir de tout ça. Bien sûr. Plus aguerri, en pleine forme, avec le retour de la culture, des terrasses de resto, des clubs avec un picourbière, enfin, les choses simples de la vie, quoi, mais qui manquent terriblement aujourd'hui. Donc, moi, je veux pas me souhaiter quelque chose en particulier, mais je nous souhaite à tous de savoir sortir de tout ça, puis de revenir un petit peu à un semblant de vie normale, quoi. Donc, voilà. Donc, okay. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est simplement que tout aille bien, voilà. Bêtement. Ah oui. La santé, c'est le plus important. Évidemment. Et la réussite, tout ça. Du coup, peut-être un dernier mot avant qu'on termine ou Oh bah écoute, je sais pas. Pas vraiment, en fait. Okay. À part peut-être. C'est ça le rock, pour terminer. Un gros bisou à Philippe Manœuvre, qui nous écoute peut-être, j'ai toujours rêvé de dire ça, mais c'est peu probable. Mais en tout cas, bisous Philou, et on se dit à bientôt. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Johan Pien-Noël d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain mardi à 18h et le podcast sera disponible demain dans la journée. Si tu veux, je te l'enverrai par mail. Ah oui. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai Nicolas Toussaint qui sera là pour nous parler de son entreprise Saveur Vosgienne. En attendant, je vous laisse avec Gérard d'ici quelques minutes à 15h et Salut les 60, émission dans laquelle il nous parlera de Billy Bridge, chanteur français des années 60, avant les Good News de l'IA à 17h30, aujourd'hui du coup. Donc merci de votre fidélité à Radio Gamozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.